Pris sur le vif. Écoutez. Maman, je ne sais pas faire ma division. Tu m'aides? D'abord, pose-la. Ça, tu sais faire? Bon, 48 divisé par 3. En 4, combien de fois 3? Une fois. Et il reste combien? 1. Alors tu écris 1 sous le 4 et tu abaisses le 8. En 18, combien de fois 3? 6 fois. Et combien reste-t-il? 0. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Fais l'autre tout seul. Répétez. Maman, je ne sais pas faire ma division. Tu m'aides? D'abord, pose-la. Ça, tu sais faire? Bon, 48 divisé par 3. En 4, combien de fois 3? Une fois. Et il reste combien? 1. Alors tu écris 1 sous le 4 et tu abaisses le 8. En 18, combien de fois 3? 6 fois. Et combien reste-t-il? 0. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Fais l'autre tout seul. Écoutez. Combien faut-il commander de moquettes? Tu sais la surface du séjour? Non, mais il suffit de la calculer. 4,50 m sur 4 m. Donc 4 fois 5, 20. 4 fois 4, 16. Et 2, 18. Alors j'en commande 18 m². Oui, à 50 francs le mètre, ça nous fera 5 fois 8, 40. 5 et 4, 9. 900 francs. Plus 2 pots de colle à 58 francs. Donc 900 francs et 116 francs, 6, 1, 9 et 1, 10, 1016 francs. Mais on a une remise de 10%, donc grosso modo 100 francs. Oui, 1016 francs moins 100 francs, 6, 1, 1 honté de 10, 9. C'est ce que j'avais prévu. On en aura pour 900 francs environ. Répétez. Combien faut-il commander de moquettes? Tu sais la surface du séjour? Non, mais il suffit de la calculer. 4,50 m sur 4 m. Donc 4 fois 5, 20. 4 fois 4, 16. Et 2, 18. Alors j'en commande 18 m². Oui, à 50 francs le mètre, ça nous fera 5 fois 8, 40, 5 et 4, 9, 900 francs. Plus 2 pots de colle à 58 francs, donc 900 francs et 116 francs, 6, 1, 9 et 1, 10, 1016 francs. Mais on a une remise de 10%, donc grosso modo 100 francs. Oui, 1016 francs moins 100 francs, 6, 1, 1 honté de 10, 9. C'est ce que j'avais prévu. On en aura pour 900 francs environ.